deux rosines. Au fond de la cour de la maison où demeurait Maurice, et précisément en face de son appartement, s'ouvraient les fenêtres d'un corps de logis dont l'entrée donnait dans une autre rue. Ce bâtiment était occupé par quelques familles de petits employés et d'ouvriers. À l'étage supérieur vivait, ou plutôt se mourait, une pauvre femme, qui n'avait d'autre soutien que sa fille, une jeune ouvrière de 18 ans, nommée Rosine. Innocente et rieuse, Rosine paraissait s'accommoder de l'existence, aussi bien que s'il l'eût vue sous son jour le plus favorable. Tout entière au présent, sans regret pour le passé, sans désir pour l'avenir, elle chantait en se levant, travaillait en chantant, interrompait une couture pour faire un tour de valse, et chantait encore, soit en descendant, soit en montant ses 4 étages, qu'elle franchissait d'un pied leste et sûr comme celui d'une biche. La gaieté et la légèreté de Rosine étaient devenues proverbiales dans le quartier. Elle n'avait point échappé à l'admiration de Maurice, qui le matin, pour ne rien perdre de ce ravissant spectacle, restait quelquefois des heures entières appuyé au balcon de sa fenêtre. Mais cette humeur joyeuse n'était point, chez Rosine, un symptôme d'insensibilité. À peine eut-elle acquis la triste conviction du danger où étaient les jours de sa mère, que cessèrent tout à coup ses danses et ses chants. Elle ne quitta plus sans nécessité le chevet du lit de la malade. Elle lui prodiguait les soins les plus tendres, la consolait, ranimait ses espérances, veillait surtout à ce qu'elle ne manquât de rien. Chaque fois que le sommeil, domptant la souffrance, venait apporter à sa mère un moment de calme, elle reprenait avec ardeur son travail. Elle y consacrait ses nuits, afin d'y trouver assez de ressources pour ne négliger aucune des prescriptions du médecin. Et comme le produit de ses veilles était parfois insuffisant, elle y ajoutait avec joie le prix de ses robes, de ses bonnets qui la faisaient si jolie, dont la possession l'avait rendue si heureuse, et qu'elle vendait sans hésiter et sans soupirer. Maurice avait entrevu, de son observatoire, une grande partie de ces choses. Le reste lui avait été révélé par les propos des gens de la maison, pour qui le dévouement filial de Rosine était un thème inépuisable d'entretiens et de louanges. Il voulut venir en aide à la jeune ouvrière dans l'accomplissement de sa noble tâche. S'il n'eut point le bonheur de sauver la malade, il eut du moins celui de contribuer à adoucir ses derniers moments. Les douleurs sont vives mais passagères à 18 ans. Ce ne fut pas sans succès que Maurice entreprit de combattre la tristesse bien naturelle de l'orpheline par tous les raisonnements que son bon cœur put lui suggérer. Ses exhortations douces et persuasives ramenèrent insensiblement le sourire sur les lèvres de Rosine. Quelques mois s'étaient à peine écoulés, que l'amour du chant et de la valse avait repris tous ses droits. « Voilà parbleu la femme qu'il me faut !» se dit un jour Maurice, comme si une idée lumineuse avait subitement traversé son esprit. « Elle n'a rien, je suis riche. Elle ignore les jouissances du luxe. Je puis m'entourer de toutes ces charmantes superfluités qui rendent la vie douce et facile. Elle est née au milieu d'un monde brutal et grossier. Le monde qui m'entoure est élégant et poli. Où irais-je chercher un plus parfait contraste ? Je formerai l'esprit de Rosine. » J'agrandirai le cercle de ses pensées en élargissant celui de ses plaisirs. Elle marchera de surprise en surprise, et son amour, chaque jour fortifié, par quelque nouveau motif de reconnaissance, ne sera point exposé au danger de s'endormir dans la monotonie. Et comme en outre Rosine est jeune, qu'elle est jolie, qu'elle a un cœur dont j'ai pu moi-même apprécier la bonté, il se trouve que les raisons qui déterminent d'ordinaire les autres hommes viennent ici joindre leurs forces à celles de mes calculs. « Décidément, je n'aurai point d'autre femme que Rosine. » Aussi prompte à exécuter qu'à concevoir, Maurice déclare le même jour ses intentions à Rosine. Il ajoute avec franchise que quelques mois lui sont nécessaires pour préparer celle qui doit être sa femme à entrer dans un monde tout à fait nouveau pour elle. Rosine est éblouie. Elle ne sait comment exprimer sa gratitude et sa joie. Elle promet de s'abandonner sans réserve à la direction de Maurice. Dans la maison de Rosine demeurait un ouvrier ébéniste nommé Guillaume. C'était un brave et honnête garçon de 25 à 26 ans, d'une figure agréable. Il avait du vivant de la mère, qui lui faisait bon accueil, passé assidûment ses dimanches chez la jeune ouvrière pendant près d'une année. Ses visites étaient devenues pour lui une habitude, et quoique plus courtes, elles ne cessaient point d'être aussi régulières. Un dimanche, c'était le lendemain du jour où s'était déclaré Maurice. Guillaume se présente avec une contenance plus embarrassée que de coutume, et commence après toutes sortes de préparations oratoires, à balbutier un timide aveu. Rosine l'arrête dès les premiers mots. Ses engagements ne lui permettent plus d'entendre un pareil langage sortir d'une autre bouche que celle de Maurice. « J'ai été trop présomptueux, » dit Guillaume en se retirant, les larmes aux yeux et le cœur serré. « Pardonnez-moi, mademoiselle, et puissiez-vous être aussi heureuse que vous le méritez. » Rosine, le voyant si triste, ne voulut point le laisser sortir sans lui dire au moins une bonne parole. « Restons amis, » fit-elle en lui tendant la main. Maurice entrait en ce moment. « Ma chère enfant, » dit-il à Rosine, aussitôt qu'ils furent seuls, « je n'ai point pour principe de faire fi d'un homme estimable, parce qu'il n'a ni mes habits ni mes manières. Cependant, le monde a certaines idées de convenance auxquelles il faut savoir se conformer, et il s'étonnerait assurément de voir ma femme serrer avec une affectueuse familiarité la main de M. Guillaume. » Rosine accepta sans objection une remontrance que peut-être elle attribua moins au sentiment des convenances qu'à un mouvement de jalousie assez naturel. En s'imposant la tâche de réformer l'éducation et les idées de Rosine, Maurice avait été loin de prévoir les difficultés de l'entreprise. Il n'avait point tenu compte de cette influence des premiers exemples et des premiers enseignements si vivaces que jusqu'à la fin de la vie, elle agit sur nos opinions, sur nos discours et sur nos actes. Maurice voyait avec plaisir le goût prononcé de Rosine pour la musique. Une seule chose le contrariait. C'était l'empressement qu'elle mettait à ouvrir sa fenêtre aussitôt qu'un pied montait quelconque venait lancer dans la cour les notes plus ou moins sautillantes de son orgue de Barbarie. L'enthousiasme de Rosine pour l'orgue de Barbarie et les polkas agaçaient horriblement les nerfs de Maurice. Il imagina d'y couper court en l'amenant à un concert du conservatoire. Grâce à la comparaison, polkas et orgues devaient être à jamais détrônés. On exécutait ce soir-là un magnifique oratorio. L'auditoire était attentif et silencieux. Son admiration se traduisait par un profond recueillement. Rosine, se modelant sur cette bonne société, dont l'exemple lui était journellement recommandé, fut silencieuse et attentive, comme l'auditoire. « La voilà, j'espère, définitivement guérie », pensait Maurice enchanté du succès de son moyen. Et le concert fini, il ne put s'empêcher de dire avec une sorte d'emphase « Telle est la musique dont le charme pourra tous les jours être apprécié par celle qui doit être ma femme. » Le lendemain, l'orgue revint dans la cour, et Rosine courut ouvrir sa fenêtre avec plus d'empressement que jamais. « Après la musique que vous avez entendue hier, » s'écria Maurice tout stupéfait. « Ah, mon ami, je puis bien vous l'avouer à présent, que nous sommes seuls. Je me suis ennuyé à mourir avec votre musique d'hier. Ça n'avait rien de gai, rien de dansant. C'était de la musique à porter le diable en terre. » Rosine avait des façons de parler toutes franches, toutes naïves, tout original qui s'accordait merveilleusement avec son petit bonnet de tulle, son tablier de soie noire et sa mine éveillée. Un autre langage dans sa bouche aurait paru prétentieux et guindé. Aussi, subjugué par l'harmonie, qui rayait entre le costume simple et piquant, la chambre modeste et riante, et la conversation non moins vive que peu grammaticale de Rosine, Maurice avait-il souvent oublié les heures en applaudissant les ingénuités, les saillies et jusqu'aux fautes de français de la jeune ouvrière. Mais du moment où il se la représenta trônant dans un salon, sur des meubles de velours, entre des étagères couvertes de chinoiseries et un cercle d'admirateurs en habit noir et en gants jaunes, les ingénuités lui parurent hors de saison, les saillies risquées et les tours de phrases susceptibles d'une réforme radicale. Cette réforme, il l'entreprit avec un zèle infatigable. Rosine, de son côté, mit à retenir les leçons de son professeur tout ce qu'elle avait de bon vouloir. Le succès ne pouvait faillir à tant d'efforts mutuels. Le langage de Rosine s'épura d'une foule de locutions vicieuses et de liaisons hasardées. Disons, pour être plus exact, qu'après 2 ou 3 mois d'application, elle était parvenue à parler toute une nouvelle langue. Malheureusement, ce n'était point dans cette langue que Rosine avait appris à penser. Il en résulta que les idées, qui lui arrivaient en abondance, lorsqu'elle ne se préoccupait point de la forme à leur donner, lui firent défaut quand elle eut à les habiller d'expressions nouvelles, ou se produisirent gênées et contraintes, comme nous le sommes dans un vêtement auquel nous ne sommes pas habitués. Au gentil babil de l'ouvrière succéda donc un entretien vide, sans naturel, traînant et lourd, comme tout ce qui est cherché. Une triste parodie, plutôt qu'une copie fidèle de celui de la dame. Rosine elle-même sentait bien que tous ses efforts n'aboutissaient qu'à la rendre ridicule. « C'est singulier, disait-elle. J'avais autrefois une foule de choses dans la tête et dans le cœur. Je n'y trouve plus rien, à présent qu'il me faut chercher mes mots. » Elle ne se hasarda qu'une seule fois cette réflexion devant Maurice, qui se hâta d'y répondre. « Avec un peu d'habitude, les mots vous viendront aisément, ma chère Rosine, et j'aurai la vive satisfaction de vous voir aimable et spirituelle dans votre salon autant que dans votre mansarde. Seulement, ce sera d'une autre manière, et comme il convient à celle qui doit être ma femme. » Rosine se contentait de soupirer en songeant qu'il fallait à la femme de M. Maurice tant de choses qu'elle n'avait point. Et elle continuait d'étudier sa grammaire avec un zèle tout semblable à celui d'un écolier qui veut savoir sa leçon pour s'épargner un pensum. Une réforme opérée fait toujours découvrir la nécessité d'une autre réforme. Quand on s'est une fois lancé sur ce terrain, il n'y a plus de possibilité de s'arrêter. La pauvre Rosine vit donc se multiplier à l'infini les critiques et les démonstrations. C'était un jour sa manière de s'asseoir, qui manquait de grâce et de dignité. Le lendemain, son salut péchait par un sans-façon d'un goût équivoque. Tantôt elle devait prendre garde à faire des pas plus petits ou moins précipités. Tantôt elle avait tort de s'arrêter à causer sur le seuil de la porte, en reconduisant son monde. La franchise de ses éclats de rire était par trop éclatante, ou bien elle ne savait pas suffisamment dissimuler sous un sourire les bâillements que provoquaient chez elle les choses ennuyeuses, entre autres peut-être les longues remontrances de son minutieux précepteur. Tenue, toilette, gestes, langage, tout en un mot était à réformer. Boris, ayant heurté contre un meuble, se fit une fois, en entrant chez Rosine, une légère blessure à la jambe. Rosine, effrayée, courut précipitamment chez le pharmacien, sans prendre le temps d'ôter son tablier ni de mettre un bonnet. Peut-être même avait-elle l'habitude de négliger cette précaution lorsque ses courses ne la conduisaient pas hors du quartier. Lorsqu'elle fut de retour, Maurice la remercia avec effusion, mais il ajouta « Vous êtes trop facile à vous alarmer, ma chère Rosine. Voyez dans quel désordre votre frayeur vous a fait sortir. Heureusement, ces petits incidents ne seront bientôt plus à craindre, et vos domestiques vous épargneront, quand vous serez ma femme, le désagrément de paraître dans la rue avec un tablier et coiffé en cheveux. » Il y eut une bouderie de toute une soirée, parce que Maurice, ayant passé près de Rosine, qui jouait au volant devant la porte de sa maison, avec la fille du concierge, n'avait pas daigné tourner la tête de son côté pour lui adresser un sourire. « Les jeux me seraient-ils donc défendus quand je serai votre femme ?»« J'entends au contraire que vous puissiez goûter toutes les distractions possibles, mais dans des lieux et avec des personnes convenables. » Rosine faisait mentalement chaque soir, lorsqu'elle était couchée, une récapitulation des leçons que Maurice ne lui avait point épargné dans la journée. Et souvent, il lui arriva de s'écrier « mon Dieu, quel gros livre on ferait de tout ce qu'il faut apprendre pour devenir la femme de M. Maurice !» Un matin, Rosine, en ouvrant sa porte à Maurice, avait le visage rayonnant. « Ah !» lui dit-il, « j'aime à vous voir ainsi. Depuis longtemps, pareille gaieté n'avait brillé dans vos regards, et je m'affligeais, craignant que vous n'eussiez quelque secret chagrin. Ne savez-vous donc pas, Maurice, que c'est aujourd'hui votre fête ?»« Vous y avez pensé, Rosine ?» Permettez-moi de vous la souhaiter, bonne et heureuse. » Et pendant que Maurice se baissait pour répondre à cette formule, par l'accolade obligée, Rosine s'emparait de la montre du jeune homme et y attachait une chaîne de ses cheveux. Maurice porta la chaîne à ses lèvres. « Elle ne me quittera jamais, » dit-il ensuite en la passant autour de son cou. « Ce n'est pas tout, » reprit Rosine. « Un jour de fête doit être un jour de plaisir, n'est-il pas vrai ?»« Sur ce point, je ne m'aviserai pas de vous contredire. Eh bien, j'ai arrangé dans ma petite cervelle que nous passerions toute cette journée ensemble. » Y voyez-vous quelque obstacle ? Aucun. J'ai décidé de plus que nous la passerions très agréablement. C'est-à-dire que vous avez arrêté déjà votre programme ? Certainement. Sauf approbation, cela va sans dire. Ne suis-je donc pas toujours heureux de votre bonheur ? Écoutez, d'abord, vous me voyez en toilette, ce qui signifie qu'il faut à nos plaisirs aujourd'hui un champ plus vaste que cette étroite demeure. Précisément. Nous louons un canot qui nous fait descendre la Seine jusqu'à Saint-Cloud. Ah ! Mais vous ne savez peut-être pas qu'aujourd'hui c'est aussi fête à Saint-Cloud. C'est juste, nous sommes en septembre, répondit Maurice, dont le sourire fut tout à coup remplacé par un air des plus sérieux. Nous visitons le champ de foire. Je vous autorise à vous y ruiner en pain d'épices et en mirliton. Nous montons sur les chevaux de bois, et je vous gagne 3 ou 4 parties au jeu de bagues. Nous dînons au premier endroit venu, les traiteurs et les marchands de vin ne manquent pas à Saint-Cloud. Enfin, au premier signal de l'orchestre, nous rentrons dans le parc. Et jusqu'à l'heure de notre retour à Paris, nous ne laissons pas échapper une contredanse. » Rosine, ayant ainsi débité son programme, quêta d'un regard l'approbation de son mentor. Mentor, froid et impassible, ne desserra pas les dents. « Je vois bien, » dit enfin Rosine, déconcertée par ce silence, « que mon plan de journée n'aura pas en totalité votre agrément. Voyons, monsieur, dérivez-vous et dites-moi tout uniment ce qu'il faut en retrancher. Malgré mon vif désir de vous épargner une contrariété, surtout un jour comme celui-ci, « je suis forcé de vous répondre que je n'y vois même rien à conserver. »« Rien ?» fit Rosine, au comble de la surprise. « Et pourquoi ?»« Je vais vous l'expliquer. »« D'abord, la foire de Saint-Cloud ne jouit pas, permettez-moi de vous le dire, d'une réputation irréprochable. »« Il n'y a pas 2 ans que ma mère permit à M. Guillaume de nous y accompagner. »« Oh, M. Guillaume, pensez-vous, Rosine, qu'il serait décent à ma femme de se montrer partout où irait M. Guillaume avec la sienne ?» Le désappointement de Rosine était cette fois trop cruel, pour qu'elle n'essayât pas de lutter. Si toutes deux se conduisent honnêtement, fit-elle, il ne doit pas y avoir plus de honte pour l'une que pour l'autre. Vous n'y songez point, ma chère. ma femme aurait été vue en plein vent, un morceau de pain d'épices entre les dents, ou soufflant dans un mirliton. Il n'y aurait là rien de déshonorant. Ma femme se serait accroupie sur un ignoble cheval de bois, aux applaudissements d'une galerie de bonnes enfants et de tourlourous. Ma femme aurait mangé dans une gargote, exposée à se voir coudoyer par le premier ivrogne venu. Non, ma chère Rosine, encore une fois, non, cela est impossible. Quant au bal, je m'étais bien promis de n'y danser qu'avec vous, interrompit-elle vivement. Maurice répliqua d'un ton sentencieux et sec. Un homme qui se respecte ne conduit point au bal de Saint-Cloud, celle dont il doit faire sa femme. Rosine ôta son chapeau, mit son tablier, alla s'asseoir près de sa fenêtre, et se mit à coudre, la tête baissée, sans prononcer une parole. Maurice, non moins silencieux, fit deux ou trois tours dans la chambre pour se donner une contenance, et sortit enfin, laissant percer dans sa physionomie tous les signes d'un profond mécontentement. Dans la soirée, son domestique lui remit ce billet. « Monsieur, je ne vois guère la possibilité de danser avec vous, au bal de Saint-Cloud. Le lieu vous ferait rougir. Dans un salon, ce serait ma gaucherie. Comme je suis trop jeune pour renoncer à la danse, et trop fière pour souffrir que mon mari rougisse de moi, permettez-moi de renoncer à l'honneur d'être votre femme, pour rester simplement votre obligée. Rosine. » Maurice ne démêla point d'abord le sens profond caché sous une forme si frivole en apparence. Il froissa la lettre avec colère et la déchira en mille morceaux. Le lendemain, dans l'espoir qu'un regard, un sourire, un mouvement de tête de Rosine, si imperceptible qu'il fût, viendrait se mettre en contradiction avec la lettre de la veille, il ouvrit bruyamment sa fenêtre, mais il la referma presque aussitôt avec une brusquerie capable d'en briser toutes les vitres. Il avait entrevu Guillaume assis près de Rosine. Quelques jours après, il s'aperçut que les gens de la maison chuchotaient en le regardant. Il crut entendre qu'il était question du prochain mariage de Rosine avec le jeune ébéniste. Bientôt, il ne lui resta plus de doute à cet égard en voyant un matin deux fiacres emmener séparément Guillaume en habit noir avec des gants blancs et Rosine portant à son côté le symbolique bouquet de fleurs d'oranger. Ce jour-là, Maurice remarqua que Blanche riait et chantait plus que de coutume. « Je ne vous ai jamais vu si gaie, ma cousine, » lui dit-il avec un léger mouvement d'impatience. Blanche rougit et s'enfuit sans lui répondre.